Je m'appelle Lucien. Comme tous les jours, je m'emmerde. Alors je vais m'en aller à la roseraie. Pourquoi? Paraît que ça baise en tous les coins. Arrivé sur place, grande déception. Y'a que des vieux ici sauf en chier. En attendant, moi j'ai l'air con. Je vais devoir rentrer chez moi pour aller. C'est Jean-Marc qui m'a parlé. C'est qui Jean-Marc? Du parc de Sceaux l'autre soir. C'était un soir. Ce qu'il m'a raconté m'a bien fait bander. J'y suis allé, histoire de voir. Pour les labos, les cons, les timides et les complexés. Vivement demain que ça chie un bon coup. Vivement demain que ça chie un bon coup. C'était pas vrai avec les crapauds. Je me demande si ça m'exciterait de me faire un crapaud. C'est décidé, je m'en vais à Ibiza. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pareil que les meufs, elles sont à poil sur les plages. Les mecs se branlent dans le sable. Pour déborder, il faut que j'y aille, c'est important pour moi. Et après alors, eh ben, je pourrais dire, tu sais, j'ai vécu tout ça. Soyez gentils, planquez-vous. Tiens, conduis monsieur l'agent dans la loge à Tadis.